Tu sais, Martine, elle aime bien sortir. On lui offre un spectacle ou un grand resto, qu'est-ce que tu en penses? Oh non! Écoute, à la retraite, elle va avoir du temps et elle adore cuisiner. On peut lui offrir des cours de cuisine plutôt, non? Oui, tu as raison, c'est une bonne idée. Les collègues ont donné 125 euros. Clique, on va regarder le prix des ateliers.